Elle traverse la rue, malicieuse, ingénue. Aux yeux de tous, elle n'est qu'une inconnue. Pourtant, elle a en elle quelque chose d'irréel qui n'attend rien qu'une étincelle. Une étincelle, un signal, un appel, rien qu'une simple étincelle pour une âme en veille. Seul avec sa guitare, chaque soir il veille tard, méticuleusement il bâtit son art. Son rêve frêle, son frisson éternel, qui n'attend rien qu'une étincelle. Étincelle, un signal, un appel, rien qu'une simple étincelle pour une âme en veille. Selon mon coin, je suis comme ces milliers de gens qui n'attendent qu'une étincelle pour que poussent leurs ailes. Une étincelle, un signal, un appel, rien qu'une simple étincelle pour une âme en veille. Pour un envol fragile vers les plus belles îles, rien qu'une simple étincelle pour décrocher le ciel. Rien qu'une simple étincelle pour une âme en veille. Rien qu'une simple étincelle pour que poussent mes ailes. Petit Pierre m'a laissé. Petit Pierre m'a laissé.